On les voit toujours ensemble, Lola et puis José. On dit même qu'ils se ressemblent, Nicolas et puis José. Deux garçons qui couchent ensemble, c'est tout neuf, c'est chez AB. Nicolas et puis José, ils se sont bien dit je t'aime. C'est la vie, c'est peut-être osé, mais fallait un couple gay. Il y a les banlieues qui ragent, mais Nicolas et puis José, ils ont dû faire qu'ils se cachent pour ne pas se faire lyncher. Parce que dans notre paysage, c'est pas encore accepté. Nicolas et puis José, ils se sont bien dit je t'aime. C'est la vie, c'est peut-être osé, mais fallait un couple gay. Et puis un beau jour d'orage, Lola et puis José ont vu la manif pour tous qui disait à la télé. Les PD, c'est comme les ours. Oh, oh, oh, oh. Il faut les génocider. Nicolas et puis José, ils s'aiment, c'est décidé. La loi vous l'a autorisé, vous devriez vous marier. Nicolas et puis José, il ne faut pas déprimer. Et il faut pas oublier que l'amour passe en premier. Yellow,